Chapitre 24. La Sage de Sigurd dans les champs des îles Féroé. Nous avons vu que la légende héroïque de Sigurd et de Brunhild inspira les chants populaires des deux races germaniques et scandinaves jusque vers la fin du XIIe siècle. Au XIe, elle prend en Islande et en Norvège la forme lyrique que nous a conservée l'Edda. Au XIIe, elle revêt en Allemagne la forme épique que nous trouvons dans le Nibelungenlied. Mais bientôt, après ces traditions héroïques, semblent s'effacer de la mémoire du peuple, ou bien elles se transforment en simples récits, en contes pour les enfants, Kindermärchen. Il est pourtant un lieu où la Sage de Sigurd est restée le sujet de chants populaires qu'on redit encore maintenant aux jours de fête, et ce lieu, ce sont les îles Féroé. Les îles, comme les montagnes, conservent plus longtemps que les plaines les réminiscences du passé. Elles forment des points isolés que le mouvement des idées et des générations nouvelles n'atteint pas. Mœurs, costumes, habitudes, chants, croyances, tout y reste à peu près immuable. Les siècles passent sans y rien modifier. C'est ainsi que la Sage héroïque de Sigurd s'est conservée dans les îles Féroé, non dans des livres, mais dans des chants très semblables à ceux des poètes du IVe et du Ve siècle. Même simplicité dans la forme, même rudesse dans les idées, même absence de tout artifice littéraire. Les héros changent parfois de nom, mais les traits généraux du caractère sont peu modifiés. Le Sigurd et la Brunhild des Féroé ressemblent beaucoup à ceux de l'Edda. Regin est devenu forgeron, mais il remplit toujours le rôle du traître, et il représente l'astuce et la perfidie. Quelques détails du récit rappellent cependant la version allemande du Nibelungenlied. Ainsi, Sigurd est tué à la chasse et non dans son lit comme dans l'Edda. Comme dans les Nibelungen, on ne lui procure pas les moyens de se désaltérer, et pour le frapper, on saisit le moment où il se penche sur la source qui doit étancher sa soif. Les fréquentes répétitions qu'on trouve dans les poésies des Féroé sont propres à tous les chants populaires. Elles plaisent aux imaginations naïves et elles gravent mieux les faits dans la mémoire. Puisque la légende de Sigurd aux Féroé contient des traits à la fois et de la version scandinave et de la version germanique, il faut admettre que son origine remonte à l'époque où ces deux branches de la Sage ne s'étaient pas encore séparées, c'est-à-dire dès avant la fin du Ve siècle. Nous avons donc ainsi des traditions héroïques transmises de génération en génération par la mémoire seule depuis 14 siècles sans qu'elles aient subi d'altérations graves. C'est un exemple très frappant et unique, je crois, dans l'histoire de la poésie. Il permet de comprendre comment les antiques légendes de la Grèce et les chants homériques ont pu se conserver à travers de longs espaces de temps sans le secours de l'écriture. En 1817, un candidat en théologie, H.C. Lingby, fit une excursion botanique dans les îles Féroé. Vivant de la même vie que ces populations de pâtres et de pêcheurs, couchant dans la hutte de ces pauvres gens jusqu'au sommet de leurs montagnes, il fut très étonné d'entendre des expressions et des proverbes se rapportant à la tradition des Nibelungen. On disait par exemple en manière de reproche « Tu ne vaux pas mieux que Regin ». Voulait-on louer les soins qu'une femme donnait à un animal domestique, on rappelait ceux dont Gudrun entourait le cheval Grani. Puis il entendit chanter des strophes entières qui lui rappelèrent l'Edda. De retour en Danemark, il annonça sa merveilleuse découverte qui fit grande sensation parmi les savants. Muni d'un subside royal, Lingby retourna aux Féroé et réunit quelques-uns de ses chants qu'il publia en 1822 avec une introduction de P. E. Müller et une traduction danoise. Plus récemment, la Société royale de littérature ancienne de Copenhague envoya aux îles Féroé un érudit mieux préparé que Lingby à recueillir avec fruit les antiques poésies du Nord qui avaient survécu là comme par miracle. M. C. U. Hammersheim s'est acquitté avec amour et respect de sa mission scientifique et il a publié les chants héroïques des Féroé en y joignant une traduction en danois. Voyez A. Ratzmann, Deutsche Heldensage et P. E. Müller, Saga Bibel. Dans les longues soirées de l'hiver, tandis que l'on file la laine grossière des moutons, les habitants des Féroé chantent encore les anciennes sagas. Au repas de noces, ils aiment à répéter le Lied de Sigurd. Des rondes se forment et la jeunesse danse en redisant en chœur le refrain. Grani portait l'or sur la bruyère. Ce sont ces mœurs et ces poésies primitives qu'il faut étudier quand on veut se faire une idée du mode de formation de ces antiques compositions, les sagues héroïques. Seulement, il faut se rappeler que les anciennes coutumes belliqueuses ont disparu. Les habitants des Féroé ne sont plus ces rois de la mer, ces hardis pirates qui faisaient trembler les tribus du continent. Ce sont de braves gens très pacifiques qui ne songent qu'à soigner leurs petits moutons noirs et à lever leurs filets. Le christianisme a adouci les farouches guerriers du paganisme. Ils ont adopté des habitudes moins épiques, mais plus rassurantes pour les navigateurs qui traversent la mer du Nord. Chant des îles Féroé. Le forgeron Regin. Si vous voulez entendre un récit concernant les puissants rois dont je vais vous dire le nom, alors écoutez mes chants. Refrain. Grani emportait l'or de la bruyère. Sigurd brandissait son épée animée de fureur. Il vainquit le dragon. Grani emportait l'or de la bruyère. Sigmund, ainsi se nommait le fils du Jarl, et la jeune Hjordis était sa femme, et joyeux ils buvaient dans le royaume de Yule. Ils étaient magnifiquement assis sur leurs sièges royaux. La paix de leur heureuse demeure fut troublée. Les montagnes du puissant roi furent vaillamment défendues. Elle était terrible, la marche des forts guerriers. La paix du pays du puissant roi fut troublée. Elle fut troublée, la paix du pays du puissant roi. Le combat eut lieu vers le sud, au bord de la mer. Ils chevauchèrent dans la mêlée, et nul n'en revint. Hjördis continua à vivre accablé de soucis et de douleurs. Ils chevauchèrent dans la mêlée, et y laissèrent la vie. Hjördis survécut, la femme de Sigmund. Hjördis s'enveloppa d'un manteau bleu et se rendit sur le champ de bataille où gisait Sigmund. « Te voilà étendu là, Sigmund, mon bien-aimé. Je suis venue vers toi pleine de soucis. Écoute-moi, vaillant Sigmund, mon bien-aimé. Y a-t-il quelque chose qui puisse guérir tes blessures ?»« Tu es venu trop tard, Hjördis, pour m'apporter les baumes qui pourraient guérir mes blessures. Les fils de Hunding m'ont blessé ainsi au milieu du choc des boucliers. L'épée dont ils m'ont frappé était empoisonnée. Quand je reçus le premier coup, mon épée se brisa en deux, et quand je reçus le second coup, mon cœur suffoqua de fureur. Pense à cela. Prends les deux morceaux de mon épée et fais-les porter au forgeron par le jeune fils que tu as conçu. L'espoir que tu portes en ton sein, c'est le fils d'un héros. Élève-le avec soin et donne-lui le nom de Sigurd. Je te le dis en vérité, ce fils vengera ma mort. Regin le forgeron habite de l'autre côté du fleuve. Tu lui feras porter les deux morceaux de mon épée. Le dragon qui est couché sur la bruyère, sur la Glitraheide, s'appelle Freunur. Regin est un forgeron habile, mais il est peu d'hommes qu'il ne trahisse. Je ne puis continuer à te parler, ô Hjördis, voici ma dernière heure. » Hjördis s'arracha du corps de Sigmund en pleurant. Toutes ses femmes étaient auprès d'elle. Toutes ses femmes étaient auprès d'elle quand la reine Hjördis tomba évanouie. Tout cela était arrivé subitement. La reine songea à la vengeance dès la même nuit. Hjördis ne recula point devant la dépense. Elle fit forger pour Sigmund un cercueil d'or rouge. Pour lui, elle fit préparer un cercueil d'or rouge. Elle y fit placer une croix d'argent brillant. Vers l'est, sur la colline, les guerriers préparèrent tout dans la campagne, et ils descendirent son beau corps dans la terre sombre. Vers l'est, sur le penchant de la colline, les guerriers se dirent entre eux, « C'est un triste et sombre jour que celui où il faut descendre sous terre. » En gémissant, Hjördis alla s'asseoir dans son appartement. Le roi Hjalprek fut le premier qui voulut visiter la veuve. Le roi Sigmund n'était plus auprès de Hjördis. La reine reçut le roi Hjalprek. La veuve porta l'enfant dans son sein pendant 9 mois entiers, jusqu'à ce que vint l'heure où elle mit au monde un fils d'un cœur vaillant. La veuve porta l'enfant dans son sein pendant 9 mois entiers, jusqu'à ce que vint l'heure où elle mit au monde un fils très beau. Et il arriva, comme cela se présente souvent, que les souffrances commencèrent sans que la reine s'y attendît. Elle monta dans la salle haute et mit au monde un fils. Et au moment de sa naissance, elle l'enveloppa dans ses vêtements. Et le bel enfant, elle le fit nommer Sigurd. Et il grandit dans le royaume et devint un fier jeune homme. Ce fut le roi Hjalprek qui l'éleva. Il grandit dans le royaume. Et en peu de temps, il devint très adroit à porter des coups terribles, et il l'emportait sur tous les guerriers du roi. Il s'avançait au combat sous son bouclier d'or rouge, et il apprit à exécuter tous les faits d'armes auxquels se plaisent les guerriers. Dans la lutte, il était plus fort que tous les autres jeunes gens, et chaque fois que la colère le prenait, le combat finissait mal pour eux. Il s'avançait au combat parmi les hommes d'armes, et il arrachait de gros troncs de chêne, et avec cela il les frappait souvent jusqu'à les tuer. Les jeunes gens s'assirent, ils étaient animés de colère. « Tu ferais mieux, lui dirent-ils, de venger ton père que de nous battre avec tant de violence. » Quand Siord apprit comment son père était mort, il jeta son bouclier rouge sur la terre noire, et il devint aussi noir que la terre. Il jeta loin de lui son épée et son armure, il n'aimait plus à se battre, et il alla ainsi désarmé vers sa mère, les joues tour à tour rouges et pâles. « Écoute, ô mère chérie, et dis-moi la vérité. Comment s'appelait celui qui a tué mon père ?»« Je puis te dire la vérité à ce sujet. Ce furent les fils de Hunding qui tuèrent ton père. Ton père fut tué par les fils de Hunding. Jamais ta vie durant, tu n'accepteras de composition de leurs mains. » Siord répondit à sa mère du mieux qu'il put. Déjà dans la gueule du jeune chien, on poussait des crocs aigus. Hjördis se dirigea vers un coffre qui était tout lamé d'or. « Voici l'armure que portait ton père quand il fut tué. » Elle ouvrit le coffre, où elle renfermait beaucoup d'or et de joyaux, prit la chemise ensanglantée et la jeta sur les genoux de son fils. Elle prit aussi les morceaux de l'épée et les remit à Siord. « Voilà ce que m'a donné ton père qui me chérissait si tendrement. Prends les deux morceaux de son épée, afin d'en faire forger une nouvelle aussi bonne que la première. Le forgeron Regin demeure de l'autre côté du fleuve. Tu lui feras porter les deux morceaux de l'épée. » Le dragon qui est couché sur la bruyère, sur la Glitraheide, s'appelle Frenur. Regin est un forgeron habile, mais il est peu d'hommes qu'il ne trahisse. Va vers la cascade et jette une pierre dans le fleuve et prends le cheval qui ne recule pas devant toi. Il alla vers la cascade, jeta une pierre dans le fleuve et prit le cheval qui ne recula point devant lui. Il était choisi parmi tous ceux du royaume et c'était le meilleur, et il fut appelé Grani, le cheval de Siord. Un matin de bonne heure, Siord s'élance sur le dos de Grani et traverse le fleuve afin d'aller visiter Regin le forgeron. Et voilà le jeune Siord qui chevauche devant sa porte. Regin rejette loin de lui tous ses outils de forgeron et saisit une épée. « Écoute, illustre Siord, tu es un homme bien vaillant. Où donc veux-tu aller? De quel côté diriges-tu ta course ?»« Écoute, Regin, c'est vers toi que se dirigeait ma course. » « Rends-moi ce service, habile forgeron, forge-moi une épée. »« Sois le bienvenu, jeune Siord, j'éprouve de l'affection pour toi. Si tu restes quelque temps en ce pays, passe la nuit en ma demeure. »« Je ne puis, forgeron Regin, demeurer auprès de toi. Le royal prêtre m'appelle en son bourg. Forge-moi convenablement cette épée, de manière que je puisse couper le fer et l'acier. Tu me forgeras cette épée claire et étincelante, qui tranchera le fer et la pierre. » Regin saisit l'épée et la plaça dans le feu. Il y travailla 10 nuits entières. 10 nuits entières, il y travailla. Le jeune Siord se met de nouveau à chevaucher. Un matin de bonne heure, Siord s'élance sur le dos de Grani et il traverse le fleuve afin de se rendre auprès de Regin. Et voilà le jeune Siord qui chevauche devant sa porte. Regin rejette loin de lui tous ses outils de forgeron et saisit une épée. « Sois le bienvenu, Siord, j'ai forgé ton épée. Si le cœur et le courage ne te font pas défaut, tu seras bien préparé pour combattre. Je t'ai forgé une épée claire et étincelante qui coupera et le fer et la pierre. » Siord s'avance vers l'énorme enclume afin de faire l'épreuve de sa force. L'épée du coup se brisa en deux. « Tu mourras, Regin, de ma main, car tu as voulu me tromper avec tes ruses d'armurier. » Il prit les deux morceaux de l'épée et les jeta sur ses genoux. Regin, le forgeron, se mit à trembler comme une feuille de lys. Il prit les deux parties de l'épée brisée en sa main, mais sa main tremblait comme la tige d'un lys. « Tu vas me forger une autre épée, mais sache-le bien, Regin, si tu ne la fais pas mieux que celle-ci, tu ne conserveras pas la vie. Tu me forgeras une épée d'une trempe effroyablement dure. Je veux pouvoir couper et le fer et l'acier. Si je te forge une autre épée, et si elle est meilleure que celle-ci, je veux avoir pour prix le cœur du dragon. Entends-tu bien, jeune Siord? Si je te forge une autre épée, pour salaire, je veux avoir le cœur du dragon. » Regin prit l'épée et la remit au feu. Il y travailla 30 nuits entières. 30 nuits entières, il y travailla. Et le jeune Siord se remit à chevaucher. Un matin de bonne heure, il s'élance sur le dos de Grani et il traverse le fleuve afin de se rendre auprès de Regin le forgeron. Et voilà le jeune Siord qui chevauche devant sa porte. Regin rejette loin de lui tous ses outils de forgeron et saisit une épée. « Sois le bienvenu, Siord, je t'ai forgé une épée. Si le courage ne te manque pas, tu iras loin en tes chevauchées. » Siord s'avança vers l'enclume et frappa de toutes ses forces. L'épée était si dure qu'elle ne pouvait ni plier ni se briser. Siord frappe avec force et du coup, il fend du haut en bas l'enclume et le billot qui le supporte. Une source jaillit et donne naissance à un fleuve, et un autre fleuve naît non loin de là. Ce vers ne se relie point au reste du chant. Les critiques, entre autres M. Ratzmann dans sa Deutsche Heldensage, pensent que c'est une allusion au Rhin, dans lequel Sigurd, suivant l'Edda, plonge son épigramme pour essayer si elle coupe le flocon de laine que le courant apporte. Et il donna à son épée le nom de Gramme. « Écoute, illustre Siord, va, chevauche et cherche une femme. Pour un chef comme toi, je suis prêt à donner ma vie. Écoute, Regin, tu me parles ainsi, mais ô forgeron Regin, tu nourris d'autres sentiments au fond du cœur. Promets-moi encore ceci, illustre Siord, quand tu te rendras sur la bruyère, sur la Glitraheide, consens à ce que je t'y suive. » Avant tout, il faut que j'aille trouver parmi le choc des boucliers les fils de Hunding. Ensuite, j'irai sur la Glitraheide, mais cela presse moins. D'abord, j'irai trouver au milieu du choc des boucliers les fils de Hunding pour les tuer. Puis, j'irai sur la Glitraheide, et nul ne m'en empêchera. Et ainsi parle Siord, le fils de Sigmund, et le bonheur l'accompagne. Il s'élance au plus fort du choc des boucliers et venge la mort de son père. Il tua tous les fils de Hunding avant de retourner en sa demeure. Il resta peu de temps dans le royaume, puis s'avança sur la Glitraheide. Et c'était Siord, le fils de Sigmund, qui chevauchait à travers la forêt. Il rencontre un homme âgé qui s'assied près du marais. Un homme se présente et nul ne le reconnaît. Il n'a qu'un œil au front et il tient à la main un arc finnois. « Écoute ceci, Siord, fils de Sigmund. Tu es un vaillant guerrier. Où vas-tu? Où se dirige ta course ?» J'allais d'abord parmi le choc des boucliers pour trouver les fils de Hunding. Maintenant, je me dirige vers la Glitraheide pour y accomplir des exploits dignes d'un héros. Écoute, brave Siord, et réponds-moi, quel est ce farouche compagnon qui te suit? Il s'appelle le forgeron Regin. Il est le frère du dragon. C'est pourquoi je l'ai pris avec moi en cette expédition. Quel est celui qui t'a fait creuser ces deux fosses? Cet homme a songé à te faire périr. C'est Regin qui m'a conseillé de creuser ces deux fosses, car il est mon compagnon fidèle en cette expédition. Si c'est Regin qui t'a conseillé de creuser ces deux fosses, il est le plus méchant des traîtres et il veut te faire périr. Prends bien garde, Siord. Crains d'être tué par ce dragon. Creuse une troisième fosse non loin de là. C'est ainsi seulement que tu pourras te préserver de son venin. Creuse-en encore une quatrième un peu au-delà. C'est du fond de cette fosse qu'il faut frapper le dragon. Creuse ici près la quatrième fosse, et c'est là, Siord, que tu te placeras. Le dragon en rampant s'éloigne de son or, qu'on le sache bien. Siord s'élance sur le dos de Grani et s'apprête à chevaucher. Le dragon en rampant a quitté son or. Il espère vivre en paix. Siord saisit sa lance terrible et s'arme aussi de son épée. La chute d'eau était haute de 30 coudées, et le dragon était couché dessous. Son ventre reposait sur les rochers, mais ses deux nageoires s'élevaient dans les airs. Ses deux nageoires s'élevaient dans les airs, quoique son ventre reposât sur les rochers. Et voilà le vaillant Siord qui brandit son épée. Siord porta au monstre un coup si merveilleux que tout s'en étonna. Les forêts, leurs feuillages et la terre jusqu'en ses fondements en tremblèrent. Tout en trembla, et les forêts et leurs feuillages, et la terre jusqu'en ses fondements. Siord brandit son épée acérée et coupa le serpent en deux. En luttant contre la mort, le dragon lui dit « Quel est le brave guerrier qui a osé porter ce coup? Je m'appelle Siord, le fils de Sigmund, dont la jeune Hjördis était la femme. Écoute, Siord, ce que j'ai à te dire. Qui t'a suivi dans le chemin jusqu'ici? C'est Regin, ton frère, qui m'a montré le chemin. C'est le plus méchant des traîtres. Il voulait te faire périr. » Le dragon répondit tandis que son sang s'écoulait. « Tu dois frapper maintenant Regin le forgeron, quoiqu'il soit mon frère. Tue maintenant Regin le forgeron comme tu m'as frappé. C'est le plus méchant des traîtres. Il veut te faire périr. » Et voici Regin le forgeron qui parle. « N'obtiendrai-je pas maintenant, Siord, ce que tu m'as promis ?» Siord perça le cœur, quoiqu'il fût difficile d'y arriver. Il le perça de sa lance qui avait 30 aunes de long. Sjord se brûla la main et la porta à sa bouche, et alors il comprit le langage des oiseaux et des autres animaux. Et les oiseaux sauvages, assis au haut des chênes, disaient « Il faut que toi aussi, Sjord, tu manges de ce rôti. » Sjord fit rôtir le cœur et l'enleva de sa lance. Reginn se coucha à terre pour boire le sang vénéneux du dragon. Pour boire le sang vénéneux du dragon, Reginn se coucha à terre. Sjord lui donna le coup de la mort à l'endroit où il se tenait. Et c'était le jeune Sjord qui brandissait son épée. Il coupa en deux le forgeron Reginn. Sjord pouvait alors se rendre maître d'un grand trésor, car il avait tué le dragon aux écailles étincelantes qui était couché sur la Glitraheide. Et c'était le matin, et le soleil rougissait l'horizon. Il attacha 12 coffres sur le dos de Grani. Il plaça 12 coffres des deux côtés de la selle, et puis lui-même s'assit dessus, ainsi me l'a-t-on raconté. Et Sjord, assis dessus, se mit à chevaucher. Grani bondit sur la bruyère, il était plein de fureur. Le cheval s'emporta à travers la marche déserte, il ne connaissait pas le chemin. Sjord passa une froide nuit dans un fourré, et Grani s'élançait aussi rapidement sur les rochers que dans la plaine. Jamais dans le bourg d'un roi puissant on ne verra son pareil. Ici je terminerai mon récit. Pour cette fois je ne chanterai pas davantage. Je commencerai un autre lied afin de l'imprimer dans la mémoire.